Melio pona mona nanute mosusu lokola yo Yahweh zua nkembo pema sanzoli mosusu lokola yo azalite pe akozalate Santo Yotina nanga ya kozala Santo Yotina nanga ya kozala Loba na bomoi, eza epanayo Na kenda lisusu wapi, Yahweh Zua nkembo, pema sanzoli Mosusu lokola yo azalite, pe akozalate raison d'être la source qui ne tarit et qui étanche ma soif holy holy holy c'est ma raison d'être la source qui ne tarit et qui étanche ma soif